駅でぶつかることなく、足早に目的地へと向かう人々、センスブスク、テレビゲームのようなアンジュ。 浅草駅の薄暗い古い、切符の磁石の匂いが、手のひらに伝わり、transmetà la paume de ma main。1991。Avec mon costume du lycée, je vais voir un Bertolucci à Hibiya. Devant Tokyo, à Shibuya, une fille assise par terre, belle robe et nanana, envoyant des SMS. Le bras, Les gens passent sans aucun doute. Entre les gratte-ciels inexistants, Je ressens de la joie pour la fringine du Kunoyoke au sommet, visuellement, je t'assigne au Kanji. Je ressens une familiarité méchante pour Shinjuku la nuit. Tokyo. Une bruine invisible.